الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأحمد الله العلي الكبير رب العرش الكريم الذي يسر لي زيارة إخواني الأعزة الفضلاء في بيت من بيوت الله لنتذاكر العلم فما جئت في هذا المسجد لأعلمكم فإن في هذا المسجد من هو خير مني وقد جلست إليهم بين يديهم بحمد الله عز وجل ودعيت لتواضعهم وفقهم الله وقبل أن أبدأ أذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم لنتدبر أهمية الزيارة في الله سبحانه وتعالى ولينظر كل واحد منا عظم الأجر الذي في التزاور لأجل الله سبحانه وتعالى والجلوس لأجل الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتباذرين في. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تحابا فيه وممن جلس لأجله في مساجده سبحانه وتعالى. Après avoir lu Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je disais que je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui m'a facilité la visite de mes chers frères en Allah. Et cela dans l'endroit le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mosquée. Et je ne suis pas venu pour vous enseigner, car cette mosquée contient des frères qui sont plus savants que moi. Et des frères devant qui je me suis moi-même assis et avec qui j'ai pu profiter. Bihamdillahi Azza wa Jal. Mais je suis venu pour me faire un rappel à moi-même et pour visiter mes chers frères en Allah dans cette mosquée. Pour visiter mes chers frères en Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la grande récompense qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préparée pour ceux qui se visitent en Allah. En nous disant, Allah le Très-Haut dit, j'ai rendu mon amour obligatoire pour ceux qui se sont aimés pour moi. Si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu rentres dans ce hadith. Ensuite le prophète, ensuite Allah tabaraka wa ta'ala dit, j'ai rendu obligatoire mon amour à tous ceux qui se visitent pour moi. Tu ne le visites pas pour un bienfait dans ce bas monde. Tu ne le visites pas pour avoir de l'argent. Tu ne le visites pas car il te doit quelque chose. Mais tu te déplaces de chez toi vers chez lui pour Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه شهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة صلى الله عليه وسلم. Ensuite, dans le hadith, j'ai rendu mon amour obligatoire pour ceux qui se sont assis pour moi. Et j'ai rendu mon amour obligatoire pour ceux qui donnent pour moi. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande de nous unir à ce groupe à qui il a accordé son amour. وَإِذَا حَبَّكَ اللَّهُ فَتَحَ عَلَيْكَ وُجُوهَ الْخَيْرَ كُلَّهَا. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde son amour, il t'ouvre alors les portes de tout le bien. Il t'accorde la réussite dans ce bas monde, il t'accorde la réussite dans ta tombe, et t'accorde la réussite يوم القيامة. وبالله التوفيق. أما الموضوع هو فضل العلم وأهله. En ce qui concerne notre sujet, c'est les mérites de la science et la valeur des gens de science. Les mérites de la science et la valeur des gens de la valeur des gens de science. تعلمون جميعا حالة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما في الدين كانوا مشركين. حالة الاجتماعية التفرق والحروب المستمرة فيما بينهم. أما حالة المرأة واليتامى الضعف والظلم حتى أذن الله سبحانه وتعالى بالفرج ويصف حذيفة بن اليمن رضي الله عنه هذه الحالة فيقول يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ الحديث وتعرفون جميعا حديث جعفر لما كان مع النجاشي ووصف له حالة الجاهلية فأذن الله سبحانه وتعالى بالفرج ببعثة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم إمام المتقين أعلم الخلق بربه خير الأنبياء وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. قال ربنا في كتاب الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فكيف فرج الله سبحانه وتعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزاله أفضل كتبه القرآن المجيد. L'état de la péninsule arabique avant l'envoi du prophète صلى الله عليه وسلم était un état catastrophique. En ce qui concerne le culte, ils étaient dans le polythéisme. Ils adoraient toutes sortes de divinités et autour de Kaaba, il y avait plus de 360 divinités qui étaient adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. En ce qui concerne la situation politique, ils étaient divisés. Chaque région avait un gouverneur et ils se combattaient pour un oui ou pour un non. La situation économique était catastrophique. En ce qui concerne les minorités, ils étaient opprimés comme la femme et l'orphelin. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre fin à cette injustice, lorsqu'Allah a voulu faire sortir ces gens des ténèbres, il a décidé d'envoyer le dernier prophète et messager qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par sa cause, il a mis fin au polythéisme et a remplacé cela par at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par sa cause, il a mis fin à l'ignorance et a remplacé cela par la science. Par sa cause, il a mis fin à l'injustice et a remplacé cela par la justice. Et Allah nous dit cela dans plusieurs versets du Coran en nous disant qu'il nous a fait une grande grâce en nous envoyant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont dit que le meilleur bienfait, c'est irsal ur-rusul. C'est l'envoi des prophètes. Le meilleur bienfait par lequel Allah a comblé ses serviteurs, c'est l'envoi des prophètes. Et dans l'explication du livre Al-Aqidatul Wasitiyya, les savants ont dit qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a commencé son livre par la basmala, ensuite par la hamdala. Et là, le premier bienfait qu'il a cité, c'est bi'athat ar-rusul. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Pourquoi est-ce qu'Allah azza wa jalla nous cite irsal ar-rusul après l'avoir loué? Parce que c'est le meilleur bienfait par lequel on doit louer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est par sa cause, tu n'aurais pas connu l'islam. Si ce n'est par sa cause, tu n'aurais pas connu le bien du mal. Tout cela nous montre l'importance d'étudier notre religion. L'importance d'étudier ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أوجدك من العدم إلا لغاية واحدة. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال وإياي فارهبون وإياي فاتقون. الله nous démontre dans son livre la sagesse pour laquelle il nous a tous créés, en nous disant je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وعلم أن هذه الغاية لا تتحقق إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Tu as su pourquoi Allah t'avait créé, l'adorer d'un culte sincère. Comment est-ce que tu vas pouvoir réaliser, concrétiser cette chose? Tu ne pourras le faire si ce n'est en apprenant ce que nous a enseigné le prophète صلى الله عليه وسلم. Car c'est le lien entre nous et Allah pour connaître sa religion. Comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, et celui qui prétend pouvoir connaître le chemin qui mène vers Allah sans suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura annulé son islam wal iyadu billah. Al-ibadatu la tuqbal illa bi shartayn, al-ikhlas wal mutaba'a. Wa kayfa ta'rifu dhalik bil ilm an-nafi'. Cette adoration pour laquelle tu as été créé ne sera pas acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala sans deux conditions. La première condition, c'est la sincérité. وقد عرفها الحافظ الحكمي بقوله رحمه الله تعالى تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك والرياء. La sincérité, c'est le fait de purifier ton cœur, de purifier ton action, de vouloir tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala au moment où tu l'accomplis. Et tu t'éloignes de toute ostentation, tu n'attends les éloges de personne, tu agis que pour Allah et tu ne te lèves que pour lui, tabaraka wa ta'ala. Si tu es sincère, ça ne suffit pas. Il te faut également agir en conformité avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aisha radiallahu anha nous dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس علي أمرنا فهو رد. Celui, Aisha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait une action qui est contraire à notre ordre, c'est-à-dire à notre voie, à notre religion, son acte sera rejeté. Son acte sera rejeté. Une question ici qui se pose, comment est-ce que tu vas savoir si ton acte est en conformité avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien en contradiction avec celle-ci? Tu ne pourras jamais savoir cela si ce n'est en apprenant la science, en étudiant ta religion. S'il n'y avait parmi les bienfaits de la science que ce point-là, ça aurait été suffisant pour qu'on fasse des efforts afin d'atteindre la science utile. Car nous avons été créés que pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'adoration ne sera pas acceptée chez Allah sans ces deux conditions. À partir de là, nous disons que l'étude de la science est une obligation. Et cela a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, talibul ilm. أو طلب العلم فريضة على كل مسلم والحديث حسن أما زيادة ومسلمة ضعيف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'étude de la science est une obligation pour chaque croyant ou bien pour chaque musulman. Voici le jugement de la science. Il y a une science qui est obligatoire pour tout un chacun, c'est fard ayn, c'est ce dont tu as besoin au quotidien pour adorer ton Seigneur. Ce dont tu as besoin au quotidien pour adorer ton Seigneur. Et parmi les choses les plus étonnantes qu'on trouve à notre époque, C'est de voir des gens s'occupant de sciences secondaires et de délaisser la science qui va leur permettre d'adorer Allah Azza wa Jal au quotidien. Ils te parlent de tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et lorsque tu les questionnes sur ce, sur les bases de sa religion, il n'est pas capable de te parler. Quelle est la cause de cela? Le fait de s'éloigner des savants. Le fait de s'éloigner des conseils des gens de science. Et le fait de s'en remettre à notre intelligence qu'on prétend avoir, malgré notre jeune âge et malgré la faiblesse de notre science, on pense pouvoir se débrouiller seul. Mais cela est une idée erronée et cela emmène à l'égarement, sans aucun doute. Parmi ceux qui nous montrent les bienfaits de la science, de nombreux versets qui ont été cités dans le Coran. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Dans ce verset, Allah سبحانه وتعالى nous dit, selon le sens rapproché bien sûr, Allah témoigne que nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est lui. Les anges témoignent également de cela. Et les gens de science, le mainteneur de la justice, nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est lui, le puissant et le sage. Al-Allama ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que dans ce verset, dans ce seul verset, il y a de nombreuses preuves qui montrent les bienfaits de la science et la grande valeur des gens de science. Et parmi ces choses, les choses qu'il a citées, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait mis à côté de son témoignage et à côté du témoignage des anges, le témoignage des gens de science. Pour témoigner de quelle chose, ayyuha al-ikhwa? Pour témoigner du plus grand témoignage qui existe. La parole la plus lourde dans ce bas monde et dans l'au-delà. La parole la plus bénie dans ce bas monde, dans ta tombe et dans l'au-delà. Yawm al-qiyam. La parole la plus lourde sur la balance, la clé du paradis, la ilaha illallah. Cette parole, c'est la parole pour laquelle on a créé les cieux et la terre. Cette parole, c'est la parole pour laquelle on a envoyé l'ensemble des prophètes et des messagers. C'est la parole pour laquelle on a révélé l'ensemble des livres. C'est la parole pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enduré toutes ses épreuves et n'a pas délaissé ses efforts. Cette parole, c'est la ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Bah, Allah a témoigné de cette parole, a fait témoigner les anges de cette parole et a mis à côté de ce témoignage le témoignage des gens de science. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala nous dit, s'il y avait eu des créatures plus nobles que les gens de science, Allah les aurait cités dans ce verset. Subhanallah. Est-ce qu'on a cité les médecins? Est-ce qu'on a cité les gens riches? Non. Mais on a cité les gens de science. On a cité les gens de science. Wa ma kana rabbuka nasiya. Et Allah n'oublie pas. Tabaraka wa ta'ala. Donc ici on nous montre la valeur des gens de science. Et lorsqu'Allah prend, ou lorsqu'Allah fait témoigner quelqu'un sur une chose, c'est que c'est une bonne personne. Donc il y a aussi une tazkiya pour les gens de science dans ce verset, comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous montre que la place des gens de science, elle est élevée. Et nous dit يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah nous dit dans son livre, Allah élève ceux qui parmi vous ont eu la science. Pardon, Allah élève ceux qui parmi vous ont eu la foi et ceux qui ont eu la science dans les hauts degrés. Dans ce verset, Allah nous montre que chaque croyant, chaque musulman a une place auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Chaque musulman, chaque croyant, chaque personne qui a choisi comme religion l'islam, comme divinité unique Allah tabaraka wa ta'ala, et comme messager le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a agréé cela, ben il a une place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Ensuite, Allah nous cite les gens de science, qui rentrent déjà dans la généralité des gens de foi. Mais il les cite pour citer une spécificité. Quelle est cette spécificité ? يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Toute personne ayant la foi a un degré auprès d'Allah. Mais ceux qui ont eu la science, ces gens-là seront dans les hauts degrés. Et ne pense pas que cette élévation a lieu que dans ce bas monde. Cette élévation a lieu même dans ta tombe. Cette élévation a lieu même yawm al-qiyamah. Et a lieu fil jannah. Et a lieu fil jannah. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a rejeté le fait que soit égal l'ignorant à la personne savante, en nous disant قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ أَيْ خُلَلْ قُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِهَؤُلَاء هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. هذا الاستفهام استفهام إنكاري, أي معناه النفي, أي لا يستوي من كان من أهل العلم مع من جاهل. الله نجي دي c'est-à-dire dit au messager d'Allah, ceux qui ont la science ne sont pas les égaux de ceux qui sont ignorants. Ou bien est-ce que ceux qui ont la science sont les égaux de ceux qui sont ignorants? Seuls les gens doués d'intelligence se rappellent. Dans ce verset, la question a pour sens la négation, comme c'est connu dans la langue arabe. L'interrogation posée ici dans ce verset a comme sens la négation. Le sens donc du verset est « Ne sont pas égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. » Et j'ai cité que cette différence a lieu dans les trois étapes. Sur terre, dans ta tombe et yawm al-qiyamah. Sur terre, prenez comme exemple l'imam. Qui est-ce qui préside la prière? قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. Préside la prière celui qui connaît le plus le Coran ou qui récite le mieux le Coran, selon l'explication des savants. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal a fait avancer la personne qui a la science de son livre devant les autres. Devant les autres. Lors de la bataille de Uhud, il y a eu 70 personnes qui sont décédées. Donc il y avait beaucoup de monde à enterrer. Et il fallait donc creuser, et creuser, et creuser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'unir entre plusieurs personnes dans la même tombe. D'accord, mais un problème se pose ici, lequel? Qui est-ce qu'on va enterrer en premier? Celui qui enterrera en premier, c'est celui qui sera le plus en sécurité dans sa tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en pratique ce verset. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. A mis en pratique كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Et a dit d'enterrer en premier celui qui connaît le mieux le Coran, subhanallah. Ça veut dire même après ta mort, la science t'élève et la science te donne une meilleure place alors que tu n'es plus de ce monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala élève les gens de science de leur vivant et après leur mort. Et si tu demandes un exemple pour yawm al-qiyamah, yawm al-qiyamah al-Qur'an yashfa'u li ahli li ashabihi alladhina ya'maluna bih kanu ya'maluna bih. Yawm al-qiyamah, le Coran va venir intercéder pour les gens du Coran. Qui sont-ils? Ceux qui le mettent en pratique. Ce n'est pas la mémorisation seulement, non. Mais c'est la mémorisation du Coran, la lecture du Coran, sa méditation, sa compréhension et surtout la mise en pratique. De trois façons. Entre autres, tasdiqu akhbari, imtithal awamiri, wal ijtinab an nawahi. Tu dois certifier l'ensemble de ces informations, mettre en pratique ces ordres et t'éloigner de ces interdits. Il y a d'autres choses qui rentrent dans cela, comme at-tadabbur, comme ar-ruqya, et ainsi de suite. Mais ces trois choses-là, c'est ce qui est cité en premier. Est-ce que ça s'arrête là ? La wallah. Hatta idha dakhala ahlul jannati al-jannah wartaqu ya'ti al-'ilm yumayyiz baynahum fi darajatihim. Les gens du paradis vont entrer au paradis. Ja'ana Allah wa iyyakum min ha'ula'i al-fa'izin. Wa na'udhu billahi min an-nar. Les gens, lorsque les gens du paradis vont entrer au paradis, ils vont rentrer de par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la cause de cette miséricorde sera les actions accomplies dans ce bas-monde. Mais qu'est-ce qui va faire les degrés? Les hasanat. Ba'da fadlillahi tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit yu'ta bi sahibi al-Qur'an wa yuqalu lahu iqra' ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك في الجنة آخر آية تقرأها فما ظنكم بمن حفظ القرآن وما ظنكم بمن اشتغل بالقرآن ما ظنكم بمن يصبح أو بمن يعيش مع القرآن ليلا ونهارا لا شك أن منزلته عند الله غدا عالية كما أن منزلته عندنا في الدنيا عالية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit on va amener les gens du Coran yom al-qiyama et on va leur dire récitez le Coran, psalmodiez le Coran et élevez-vous en degré dans le paradis, et votre place dans le paradis s'arrêtera de s'élever au dernier verset que vous allez réciter. Beaucoup de savants après ce verset, après ce hadith ont dit que dire alors de celui qui a fini le Coran et qui l'a mémorisé? Certains savants ont tiré de ce hadith que le nombre de degrés du paradis est équivalent au nombre de versets du Coran. Que dire de celui qui a mémorisé la moitié du Coran? Combien il va s'élever en degrés, subhanallah? Et ce jour-là, ceux qui ont délaissé les assises de science et ceux qui étaient distraits du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala vont regretter. Ceux qui ont fait le bien vont regretter. Que dire de ceux qui ne l'ont pas fait? Toute personne qui va entrer fil djanna va regretter. Toute personne yom al-qiyama va regretter. Pourquoi? Ceux qui vont voir le bien vont regretter de ne pas avoir fait plus. Et ceux qui ont fait le mal vont regretter de l'avoir fait et de ne pas avoir fait le bien. Donc les gens du Coran sont élevés dans ce bas monde. Subhanallah, lorsque Allah Azza wa Jal te préfère sur les autres et te fait avancer de par ta mémorisation du Coran ou ta récitation du Coran et que tu pries devant les gens, subhanallah, les gens ne se lèvent pas dans la mosquée avant de te voir entrer dans la mosquée. Le mu'adhin ne fait pas l'iqama avant que tu lui dises aqimis salah. Ça c'est une rif'a, subhanallah. Annas la yukabbirun hatta tukabbira anta. Subhanallah, les gens ne disent pas Allahu Akbar pour rentrer dans Munajat Rabbil Alamin, si ce n'est qu'après que toi, l'imam, tu aies dit Allahu Akbar. Les gens ne s'inclinent pas dans la prière, si ce n'est après que toi, celui qu'Allah a élevé de par le Coran, tu t'inclines. Ils ne se relèvent pas ensuite, si ce n'est qu'après que toi, celui qu'Allah a élevé par le Coran, tu te relèves. Ils ne se prosternent pas, si ce n'est après que toi, l'imam, tu te prosternes. Subhanallah, ils te suivent dans la salat alors que c'est pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala, mais malgré cela ils sont derrière toi, ils sont derrière toi, ils ne se lèvent pas tant que tu ne t'es pas levé, ils ne descendent pas tant que tu n'es pas descendu. Donc ça c'est une rif'a azima, elle est min Allah azza wa jal. Ça c'est une élévation qui est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'est pas une chose qui peut s'acheter avec l'argent. Parmi les versets qui nous montrent également les bienfaits de la science, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Les cinq premiers versets de sourat Iqra sont les premiers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez tous. Dans Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari a intitulé un chapitre « Badu al-Wahy » et a cité le long hadith connu de tous, Inch'Allah. Lorsque Jibril est venu et a serré le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une étreinte telle qu'il a cru qu'il allait perdre la vie. Et cela plusieurs fois après seulement, il lui a transmis les cinq premiers versets de Sourate Iqra. Les savants ont dit, donc l'islam commence par la science. Donc l'islam est une religion de science. Mais ça n'est pas qu'une religion de science, c'est une religion de science avec l'amal, avec la mise en pratique de la science. Comme cela viendra plus loin, incha'Allah ta'ala, dans la muhadara. Donc la première chose qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est la science. C'est l'ordre de la science. Iqra wa rabbuka al-akram. Anta ma alayka illa talib ilm. Amma al-ata wa al-tawfiq hada min Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu dois faire les causes, tu dois étudier, tu dois aller vers la science. Par contre, le fait d'atteindre la science, ça, c'est pas entre tes mains. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne à qui il veut et qui élève qui il veut. Qui il veut. Et c'est une épreuve en même temps. Si on revient plus loin dans l'histoire, et on revient à la création du premier homme, notre père Adam alayhi salam, vous savez tous que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Et il y avait avec eux Iblis et il a reçu cet ordre également. Tayyib, quelle est la sagesse pour laquelle Adam alayhi salam a eu cet honneur? Cette prosternation, elle est pour Adam en signe d'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est pas une adoration vouée à Adam. C'est une adoration qui est donnée à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais dans notre législation, on a interdit le ruku' et le sujoud pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant, c'était un signe de tahiyya à certaines époques. Pour répondre à cette question, on regarde en sourate al-Baqarah. قال ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء هنا ذكر العلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أرجع العلم إلى صاحبه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تعلمون في هؤلاء الآيات المباركات استنبط المفسر بأن سبب إسجاد الله سبحانه وتعالى ملائكته أمام آدم فضل عند آدم ليس لغيره ما هو العلم الله سبحانه وتعالى نسيت une histoire dans le Coran. Au début de la création de Adam, ou bien avant d'avoir créé Adam, Allah a informé ses anges qu'il allait créer un humain et aller lui donner la gérance sur la terre, et ainsi de suite. Les anges se sont étonnés, parce que eux ne désobéissent pas à Allah, ne font que de l'adorer, et ils ont su qu'il allait y avoir sur terre des gens qui allaient désobéir à Allah, et ainsi de suite. Ils se sont étonnés. Plus loin dans l'histoire, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a enseigné à Adam le nom de toutes choses. Puis, il a questionné les anges sur les noms, et les anges n'ont pas pu répondre. Ensuite, Allah demanda à Adam de citer ses noms. après sa création, il lui a dit de citer les noms. Adam a pu les citer. Adam a pu les citer. Ben, les savants ont dit, voici la sagesse pour laquelle Allah a fait se prosterner les anges devant Adam. Pour une chose qu'il avait en plus, qui était la science. Qui était la science. La personne qui a un téléphone peut être sujet à l'oubli. والنسيان طبيعي. Et d'oublier, c'est naturel. Mais le problème, c'est de faire entrer de la musique fi baytin min buyutillah. Si on avait été à l'extérieur de la mosquée, ça aurait été grave. Que dire alors à l'intérieur de la mosquée? Et Annie, dans l'endroit où on vient chercher Es-Sakina, dans l'endroit où on s'éloigne de cette dunya, on va être rattrapé par les flux du shaitan. Là, et une parole de Cheikh Abdurrazak al-Abbad qui me revient, il dit, si on avait dit à nos anciens qu'un jour il y aura de la musique dans la mosquée, ils ne l'auront jamais cru. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa billahi at-tawfiq. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa qur rabbi zidni ilma. Allah a ordonné dans le Coran à la créature la plus savante, au dernier prophète et le meilleur d'entre eux sallallahu alayhi wa sallam, de lui demander l'augmentation de sa science. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à la créature la plus savante de lui dire, ô mon Seigneur, accrois ma science. Si ça c'est le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que devons-nous dire nous? Que devons-nous dire nous? Subhanallah. Et ça ajoute de l'étonnement à notre étonnement de voir les gens qui s'éloignent de la science. Si seulement ils s'éloignaient de la science pour faire quelque chose d'utile. Mais en général, celui qui s'éloigne de la science, c'est pour désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour parler, subhanallah, sur les gens de science. Si tu t'éloignes de la science, c'est une musiba. Parce que tu t'éloignes de la vie des cœurs. Et avec la vie des cœurs, il y a la vie du corps. Mais si tu t'éloignes de la science pour parler sur les gens de science, alors c'est encore pire. Alors c'est encore pire. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus savant, fait dua. Et reçoit l'ordre de son Seigneur de dire wa qur rabbi zidni ilma et on met ce Qur'an. Ça fait partie du Coran. De cela, les savants tirent que personne ne peut dire moi c'est bon, je connais. Cette phrase qu'on entend souvent. Moi c'est bon, je connais. Et tu trouves des débutants qui s'enorgueillissent de s'asseoir devant quelqu'un qui a un peu plus de science que lui. Si seulement c'était que ça, on aurait dit que c'est grave. Mais encore pire. C'est un cours par exemple sur le tawhid. Qu'est-ce qu'on entend? J'ai honte de le dire, mais je le dis c'est pour qu'on se corrige. Ça c'est bon, on connaît. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça c'est bon, on connaît. Tu vois ce que t'appelles ça? C'est ce pourquoi le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a coulé. Tu vois ce que t'appelles ça? C'est ce pourquoi certains sahaba sont morts. Tu vois ce que t'appelles ça? C'est ce pourquoi ont été éprouvés sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et ont quitté leur maison et leur richesse et leur famille de Mecca pour aller jusqu'à Médine. Et certains à pied. فأفضل العلم التوحيد ومن حقر التوحيد حقرناه. La science la plus noble c'est le tawhid. Et celui qui ne respecte pas le tawhid ne recevra aucun respect de notre part. التوحيد يعلو ولا يعلى عليه. Et tawhid, sa place ne peut être qu'élevé. Et si tu veux être élevé, tamassak bit tawhid. Tu veux être élevé? La terre n'élève personne. La richesse n'élève personne. C'est ad-din qui élève les gens. Wa ra'sul amr at-tawhid. Wa aslu ad-din at-tawhid. Pour être tawhid, ce que tu appelles ça, Suhayb al-Rumi, radiallahu anhu, a délaissé toutes ses richesses. Lorsqu'il a voulu faire la hijra, sachez qu'ils n'ont pas fait la hijra comme ça. On les retenait à Mecca. Ils se sauvaient. Le seul qui a fait la hijra, sans se cacher, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. C'est le seul qui a fait la hijra sans se cacher. Suhayb al-Rumi essayait de partir. Mais ils étaient surveillés. Alors il revenait. Il fait ses emplans d'arriver au Sahara. Il revenait, revenait. Un jour il a réussi à partir, mais ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé, ils lui ont dit, Aïna Turid. Aïna Turid. Qala inni muhajirun ila al-Madina. Il a dit, je vais rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je fais les jiramitis. Ils lui ont dit, Tana suluqan la malalak, wal an turid, an takhruj ala al-Madina ma amwalina. Ils lui ont dit, t'es venu, tu n'avais rien. Et maintenant tu t'es enrichi sur notre dos, tu veux partir avec notre argent. Lay yakun al-amr kadhalik. Ils lui ont dit, ça ne se passera jamais comme ça. Il les a regardés. Il s'est montré ferme dans sa religion et leur a dit, إن كان يهمكم المال فقد دفنت في مكان كذا وكذا فخذوه. سبحان الله. ضحى بجميع أمواله لأجل لا إله إلا الله. فهل أطيق بعد ذلك أن أسمع مثل هذه الكلمات؟ لا والله. من ذاق لذة هذه الكلمة لن يطيق أن يسمع ذلك. بل يتقطع قلبه على سماع هذه الكلمات. سهيب الرومي رضي الله عنه lorsqu'ils l'ont attrapé, ils lui ont dit ces paroles. Il leur a répondu, si c'est mon argent qui vous intéresse, je l'ai enterré dans tel et tel endroit. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'endroit où tu pouvais garder ton argent, alors tu allais dans un endroit, tu creusais, tu mettais tes richesses. Il leur a dit, j'ai creusé dans tel endroit et tel endroit, allez, prenez tout mon argent. Subhanallah. Certains d'entre nous, lorsqu'on nous appelle à faire un bien, on a du mal à sortir quelques euros. Lui, il n'a pas hésité une demi-seconde à donner tout son argent pour la ilaha illallah et secourir l'islam. Ensuite, il leur a dit, wa in kana ghayra dhalik, fa hadha kinani mal'a, wa laqad ta'lamuna anni la ukhti sahmi, wa inni la ramin la ukhti sahmi. Et il leur a dit, si vous voulez autre chose, voici mon étui, voici mon carquois, ce dans quoi on met les flèches. Et vous savez très bien que je ne rate jamais ma cible. فَخَلُّوا لَهُ سَمِيلًا. Alors ils l'ont laissé partir. Et ils ont pris tout son argent. Et ils ont pris tout son argent. Pourquoi? Pour la ilaha illallah. Pour la ilaha illallah. أَفْضَلُ الْعِلْمِ لَا إِلَهِ اللَّهِ أَفْضَلُ كَلِمَةٍ لَا إِلَهِ اللَّهِ. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أو في الحديث ليس يحيي ويميت دعاء يوم عرفة أفضل الكلمة. وفي حديث عثمان عند مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة دخل الجنة. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا هو العلم. كيف تستكبر عن هذا العلم وقد قال النبي وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول هذا الكلام وقل رب زدني علما. الله سبحانه وتعالى أغدنا son prophète صلى الله عليه وسلم de quoi au mon seigneur augmente ma science. Et le meilleur de la science, c'est la ilaha illallah, c'est la connaissance d'Allah. Wa min fada'il al-'ilm. Et parmi les bienfaits de la science, ma'rifatullah. le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Allah dit dans le Coran, sache qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et demande pardon pour tes péchés, les péchés des croyants, des croyantes. Donc tu dois commencer par la science. Et tu dois commencer par la meilleure science, la science de la connaissance d'Allah, Tawhid. En connaissant Allah subhanahu wa ta'ala, ta vie va avoir un but. En connaissant Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas soigner ton cœur. Tu vas soigner ta langue, tu vas soigner tes membres. Celui qui ne connaît pas Allah tabaraka wa ta'ala, huwa mayit wa in tarahu yamshi 'ala al-ard. Celui qui ne connaît pas Allah, sache qu'il est mort, même si tu le vois manger et marcher sur la terre. Il est mort, même s'il marche, son âme est morte. Et son corps, c'est une tombe pour son âme. Amma sahibu ad-din wal-ilm wal-iman huwa hayy. Huwa hayy bil-ilm alladhi yahmiluhu min ma'rifati Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mubarak et d'autres parmi les anciens ont dit: Masakinu ahli ad-dunya kharaju minha wa lam yadhiqu atyaba ma fiha. Qila madha? Qala ma'rifatullah wal uns bih. Subhanallah. Certains parmi les anciens ont dit: les plus à plaindre de ce bas monde sont ceux qui ont quitté ce bas monde sans avoir goûté au plus grand délice. On leur a dit: quel est ce plus grand délice? Ils ont répondu: la connaissance d'Allah. La connaissance d'Allah. Quand tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'aimes par-dessus tout. Quand tu connais Allah tabaraka wa ta'ala, tu espères que ce qu'il y a auprès de lui. Et tu te détournes de ce qu'il y a entre les mains des gens. Quand tu connais Allah tabaraka wa ta'ala, tu ne crains personne si ce n'est lui. Lui tes péchés. Et c'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran: Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu reconnais que c'est le Seigneur des mondes. C'est donc lui qui t'a tout donné. L'ensemble des bienfaits que tu possèdes, et cela augmente ton amour pour lui. Quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, tu reconnais que c'est Ar-Rahman Ar-Rahimi, et que sa miséricorde embrasse toutes choses, et que sa rububiyya, c'est une rububiyya de Rahman. Quand tu dis Malik Yawmiddin, tu affirmes le retour vers Allah Azza wa Jal, donc ça te donne la crainte. Et après seulement tu passes à Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Donc la connaissance d'Allah t'amène à unifier Allah dans le culte sincère. Avec l'ilm donc, tu vas faire ce pourquoi tu as été créé. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Avec le ilm, min fada'il ilm at-tawadhu. Tu vas être humble. Et tu vas savoir que tout ce que tu arrives à faire, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est pas parce que tu es plus intelligent que quelqu'un d'autre. Wallahi, certains de nos frères, plus forts que nous dans beaucoup de sciences, au jour d'aujourd'hui se sont égarés. Pourquoi? C'est Allah qui donne et c'est Allah qui reprend. C'est Allah qui donne et c'est Allah qui reprend. Wal Hakim subhanahu wa ta'ala al-alim. Et c'est pour cela que tu dis après avoir dit Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بدأ بالغاية ثم ثنى بالسبب المعين على تحقيقها. Allah nous dit Iyyaka na'budu, ça c'est le but de la création d'adorer Allah dans le culte sincère. Ensuite Allah nous dit: et c'est auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Dans la traduction du Coran, ils ont mis le secours. La traduction exacte, c'est l'aide. Al-isti'ana, c'est la demande d'aide. Ça n'est pas la demande de secours. La demande de secours, c'est istirafa. Donc dans la traduction du Coran en français rouge, ils ont mis la demande de secours. La traduction juste, c'est la demande d'aide. Mbabetanbih. Donc, tu en disant wa yakana sta'in, et c'est auprès de toi que nous recherchons l'aide, tu reconnais que tu es un serviteur faible. Et que la hawla wa la quwwata illa billah. Et regarde, lorsque le mu'adhin fait l'adhan, tu répètes tout ce qu'il dit, mais lorsqu'il dit hayya ala salah, hayya ala al-falah, qu'est-ce que tu dis? La hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? Parce que même pour sortir de chez toi et faire des pas pour marcher au masjid et salli, t'as besoin de l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même une sajda, tu peux pas la faire sans tawfiqullah subhanahu wa ta'ala. Donc ça te ramène quoi? Et tawadu. Celui qui s'enorgueille, sache qu'il est ignorant même s'il a de la science. Celui qui s'enorgueille, sache qu'il est ignorant même s'il a de la science. Et regarde la petite tige lorsqu'elle sort de la terre. Elle est droite, elle veut aller vers le haut. Mais avec ta main gauche, tu l'enlèves. Et regarde l'arbre lorsqu'il est fort et lorsqu'il va vers le ciel. Ensuite ses branches se rabaissent. Fakadhalika al-qawi al-alim. Le savant, celui qui est grand, il se rabaisse. Parce que plus tu connais Allah, plus tu étudies, plus tu connais Allah. Et plus tu connais Allah, plus tu connais ta faiblesse. Et plus tu as de la science, plus tu découvres de ton ignorance. Et cela nous amène à un autre verset. Innama yakhshallaha min ibadi al-ulama. Yalaha min aya. Yalaha min aya. Innama yakhshallaha min ibadi al-ulama. Allah nous dit dans le Coran, les seuls qui craignent véritablement Allah sont les savants. Pourquoi ? Les savants ont répondu en disant, car ce sont ceux qui connaissent le mieux Allah. Plus tu connais Allah, plus tu vas connaître ses noms et ses attributs. Plus tu connais Allah, plus tu vas avoir de la certitude dans ses informations concernant l'au-delà. Donc, en étudiant ta religion, tu vas connaître Allah. Tu vas savoir que c'est Al-Jabbar, que c'est Al-Aziz, que c'est Al-Alim, que c'est Allah Al-Royaume, que c'est Malik Yawmiddin, que c'est Al-Mutakabbir Al-Muta'al, que c'est Rabbul Alamin, Asma'ul Jalal, allati tadabburuha turithu al-khawf al-qulub. Tu vas savoir qu'Allah c'est le dominateur suprême. En étudiant, tu vas savoir que c'est le Seigneur des mondes et qui dirige ceux qui le veulent comme il le veut. Tu vas savoir que c'est le maître du jour de la résurrection, tu vas revenir vers lui et il va te juger. Tu vas étudier le hadith et tu vas savoir que yawm al-qiyamah, Allah va te parler. Laysa baynahu wa baynaka turjuman. Allah va te parler yawm al-qiyamah, tu vas revenir vers lui, tu seras nu, non circoncis, payé nu. Et Allah va t'interroger sur tout ce que tu as fait. Tu vas savoir que la terre va témoigner et dire tout ce que tu as fait. En faisant talb'in, tu vas savoir la description de l'enfer, subhanallah. Tu vas savoir que l'enfer, c'est le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala pour ceux qui lui ont désobéi. Tu vas savoir qu'en enfer, les anges ne connaissent pas la pitié. Tu vas savoir que yawm al-qiyamah, yu'ta bi jahannam la sab'una alfa zimam. مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها كيف تعرف ذلك بالعلم. Tu vas savoir que yom al-qiyama, les anges vont amener l'enfer. Il y aura 70 000 chaînes. Pour une seule chaîne, il faudra 70 000 chaînes. 70 000 anges, et ils vont amener l'enfer sur la place du jugement dernier. Ya subhanallah, est-ce que celui qui a cette science va être semblable à l'ignorant? Est-ce que celui qui a cette science, lorsqu'il s'approche du péché, il va être semblable à celui qui a patience? Ya Wallah. Celui qui pense seulement au péché, il se rappelle le feu de l'enfer. Celui qui sait qu'en enfer, les gens vont pleurer. Les gens vont pleurer jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus de larmes. Il ne leur restera plus de larmes. Ensuite, ils vont pleurer du sang. Au point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit un point qu'il y aura sur leurs paupières comme des tranchées. Et des fleuves sur lesquels, si on avait mis un bateau, il aurait pu voguer. La hawla wa la quwwata illa billah. Fama hadhihi an-nar idhan. Est-ce que celui qui connaît ça va être semblable à celui qui est ignorant? Celui qui est ignorant, tu lui dis taqillah, ça ne fait pas bouger son cœur. Celui qui a de la science, tu dhakkiru billah, kada an yasqut. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il fait une injustice à quelqu'un, il pleure de jour comme de nuit, et il va revoir cette personne et lui demande pardon. Pourquoi? Il n'a pas peur de la personne, mais il a peur de son Seigneur. Celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, tu vois que son comportement avec son épouse qui est faible auprès de lui, n'est pas comme celui qui est ignorant. Celui qui est chez lui avec son épouse, il sait que le Seigneur de cette femme, c'est Allah Rabbul Alamin. Donc il ne l'opprime pas parce qu'il connaît son Seigneur. Alors que cette femme est faible, elle ne peut pas se défendre. Celui qui a ses enfants, il peut faire ce qu'il veut. Mais il a peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors il les éduque depuis le premier jour. Parce qu'il a peur que yawm al-qiyama, ses enfants viennent témoigner contre lui. Donc avec l'ilm, tasluhu al-haya. Yasluhu al-haya. Avec la science, ta vie toute entière se réformera. Que ce soit au travail, que ce soit chez toi, que ce soit à la mosquée, que ce soit avec tes parents, que ce soit avec tes enfants. Wahakada. Avec l'ilm, tu vas connaître Allah. Tu vas avoir peur de lui. Tu vas espérer ce qui est auprès de lui. En ce qui concerne les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a beaucoup. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Les savants disent de ce hadith que c'est un signe qu'Allah a voulu ton bien. Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dit wa nastafid min al-mafhum, et on tire en retour de cela que celui à qui Allah n'a pas voulu son bien, il ne l'instruit pas dans sa religion, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc si tu vois que tu aimes la science, et lorsqu'il y a une conférence, ton cœur bouge et que tu es content, et lorsque tu vois les gens de science, tu penches vers eux, et lorsque tu t'assis dans une assise de science, ta foi augmente, et la joie vient dans ton cœur, sache qu'Allah a voulu ton bien. Sache qu'Allah a voulu ton bien. La science, c'est un chemin qui mène vers le paradis. C'est un chemin qui mène vers le paradis. Certaines personnes nous font des reproches. Et disent, pourquoi tu ne te mélanges pas avec un tel? Pourquoi tu ne sors pas? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne vas pas là-bas? Je vais vous citer la réponse de quelqu'un qui mérite qu'on prenne sa réponse, pas quelqu'un comme moi. Un des pieux prédécesseurs, lorsqu'on lui a dit, pourquoi est-ce que tu ne sors pas? Pourquoi tu ne te mélanges pas beaucoup? Il a répondu, lorsque je suis chez moi, ma compagnie c'est le prophète sallam et sahaba. Et ensuite il a montré sa maktaba, il a montré ses livres de hadith. Il leur a dit, vous voulez que je délaisse cette compagnie pour qui meilleur qu'eux à l'extérieur? Même. Pour qui? Les gens de son époque, c'était qui? C'était les pieux prédécesseurs, subhanallah. Et il dit ça. Qu'est-ce qu'on va dire nous au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va dire nous au jour d'aujourd'hui? On va délaisser l'étude de la science pour aller parler sur qui? Pour aller insulter qui? Pour aller opprimer qui? C'est ce qu'on trouve dehors. Que celui qui s'éloigne de la science devient l'ennemi de ce qu'il ignore. Celui qui s'éloigne de la science devient l'ennemi de ce qu'il ignore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. Idhan min fada'il talib al-ilm al-jannah. طالب العلم طريق مذللة سهلة يوصلك إلى الجنة. Donc l'étude de la science, c'est un chemin qui a été aplani et rabaissé, dont la finalité est quoi? C'est le paradis. C'est le paradis. Et regardez la rahma qu'il y a dans ce hadith. من سلك طريقا من أدت شرط من أدت شرط ونرى أن طريقا جاء نكرة والنكرة في سياق الشرط إيش يفيد العموم إذا أي طريق بسماع الدرس بحضور مدرسة الذكر بأخذ المصحف بسماع شريط ويعني مهما كانت الطريق. Donc celui qui emprunte un chemin, quel que soit le chemin, il y a une figure de style dans ce hadith qui nous montre que ce chemin-là est vaste et large, quel qu'il soit. En écoutant un cours de quelqu'un de la sunna, un savant ou un étudiant, en se rendant dans un centre pour apprendre sa religion, en venant à la mosquée, en prenant le Coran, en étudiant le hadith, et ainsi de suite. Tant que tu as un rapport avec la science, bah tu es dans un chemin qui mène vers le paradis. Donc bonne nouvelle à ceux qui se déplacent de loin. Certaines personnes disent, comment tu vas aller au cours là-bas, c'est loin. On leur répond, il n'y a rien qui est trop loin pour entrer fil Jannah. Si on t'annonçait, toi, hein, que si tu allais au sud de la France, hein, on va te donner, allez, on ne va pas aller loin. On va te donner 5000 euros. Là, je suis allé trop loin. On va te donner 1000 euros. D'accord? Trop loin encore? Ankos? Voyez? Donc, les gens, wallah, ils seraient partis, et moi, peut-être que je ne serais pas en train de faire le dars. Je serais parti avec vous. Tamam? Là, on te parle de Jannah. Al-Jannah, c'est pas la dunya. Al-Jannah, c'est pas la dunya. Le dernier qui rentrera au paradis aura l'équivalent de la terre et 10 fois plus encore. C'est le dernier qui sortira de l'enfer et le dernier qui rentrera fil Jannah. Al-Dunya wa ashratu amthaliha. Fa subhanallah, on va vendre. Mada? Al-Akhirah contre cette dunya, al-Faniya. Hein? Talb ilm, quand tu fais talb ilm, hein, tu es en train de construire ton Jannah. Tu n'es pas en train de, prendre, de perdre ton temps comme certains pensent. Vous êtes dans les livres, vous êtes ça, vous êtes ça. Vous... Hein? Certains disent, ouais, les gens de telle religion ont beaucoup de médecins, et ils ont beaucoup ça, ils ont surtout beaucoup de haram. Hein? Ils ont beaucoup de haram. Et le haram s'emmène en enfer et nous on veut pour toi le Jannah. Et nous notre exemple c'est pas un tel ou un tel ou un tel, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Des jours et des jours, ils ne trouvaient pas de quoi manger par moment. Subhanallah. Si As-Sa'ada, ça avait été dans les études, à la faculté, ou ça avait été dans l'argent, ainsi de suite, Allah aurait donné ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par moment, il sortait la nuit, il n'avait rien à manger. Il sortait la nuit. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lamma mat, lorsqu'il est mort, il avait une dette. Il avait une dette. Et c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Omar al-Khattab, lorsqu'il est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a trouvé allongé sur des feuilles de palmier en guise de lit. Il a vu des traces sur les hanches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fabaka Omar. Omar s'est mis à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ma bika ya ibn al-Khattab. Il lui a dit: Ya Rasulallah, voici ce que tu possèdes et tu es le messager d'Allah. Wa safwa tu khalqi. Alors que Qaysar et un tel et un tel ont les ruisseaux qui coulent sur leurs pieds. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ibn al-Khattab, n'agrées-tu pas que ces gens-là partent avec la dunya et que nous partent avec l'au-delà? La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez celui qui a l'ilm, comment il règle les problèmes. Depuis ce jour-là, Ibn al-Khattab a délaissé la dunya, même quand c'était Khalifatul Muslimin. Il mettait des vêtements humbles. Lorsque Abu Ubaïda est venu, il lui a dit: change-toi parce qu'il y a le gouverneur, on a gagné la bataille, il est là, tu vas lui prendre les clés. Il lui a dit: change-toi. Amr al-Khattab s'est énervé, lui a dit: si seulement c'était quelqu'un d'autre que toi, Abu Ubaïda, qui m'avait dit cette parole. Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil Islam. Nahnu al-Arab qawmun a'azzana Allahu bil Islam. Wa man ibtagha al-'izzata fi ghayriha adhallahu Allah. Nous, on a un peuple qu'Allah a élevé par l'islam. Celui qui cherche la puissance dans autre chose, Allah va l'humilier. Comment après ça on va dire aux gens de délaisser les assises de science et d'aller fi dunya? Dallu wa adallu wa lam yansahu li anfusihim wa la li ghayrihim. Ils se sont égarés, eux ont égaré autrui et n'ont pas été de bons conseillers ni pour eux-mêmes ni pour les autres. Wallahu al-musta'an. Donc quand tu étudies la science, c'est un chemin qui mène vers le paradis. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais il y a plus que cela. Abu Darda radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talib imridan bima yasna'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et les anges baissent leurs ailes en signe d'agrément au-dessus de l'étudiant pour ce qu'il est en train d'entreprendre. Quand tu fais talib ilm et tu empruntes un chemin vers la science, étudiant, tu es dans une assise de science, les anges viennent au-dessus de toi et baissent leurs ailes. Ils font pas ça pour le médecin, ni pour le riche, ni pour le roi. Ils font ça pour toi et il va parler. Jusqu'à remplir l'espace qu'il y a jusqu'au ciel de ce bas monde. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wal ard hatta al-haytan fi jurhil ma. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tout ce qu'il y a sur la terre dans les cieux font du'a. Faites dua pour le savant. Et celui qui enseigne le bien aux gens, même le poisson qu'il y a à l'intérieur de l'eau. Wa fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Et la suprématie du savant sur le dévot, celui qui fait beaucoup d'adoration, est semblable à la suprématie de la lune sur les autres étoiles. Regarde la lune et regarde la différence qu'il y a avec une étoile. وإنما العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont légué ni pièce d'or ni pièce d'argent, mais ils ont légué la science. Celui qui l'a prise a pris certes une grande part, a pris une grande part. والصحابه تأثروا بي مثل هذه الأحاديث. Et les compagnons ont été touchés de ce genre de hadith. Abu Huraira radiallahu anhu est parti trouver les gens au marché et leur a dit: Ya ahl al-souq, ma a'jazakum. Oh vous les commerçants, comme vous êtes faibles, comme vous êtes incapables. Ils lui ont dit: mal, qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit: l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'être partagé à la mosquée, vous êtes là en train de faire du commerce. Ils ont laissé leur commerce, sont partis à la mosquée. Ils sont revenus, ils ont dit, ah bah, ma wajidna ma dakart. Ma dakart. On n'a pas trouvé ce que tu nous as cité. Il leur a dit, wa ma wajidtum. Ils ont dit, une assise de Coran, une assise où parlait le halal haram. Il leur a dit, oui, hakum hada, mais Rasul Nabi sallam. Il leur a dit, malheur à vous. Quand ils lui ont dit, on a trouvé des assises de Coran, on a trouvé de la science, mais on n'a pas trouvé l'héritage du prophète sallam. Il leur a dit, malheur à vous, voici l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait tout particulièrement les étudiants. Lorsqu'il voyait quelqu'un qui venait apprendre sa religion, il lui souhaitait la bienvenue. Comme dans le hadith de Safwan ibn Asal, lorsqu'il est venu, قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد متكيا على برد له أحمر فقلت له يا رسول الله أتيتك أبتغي العلم. Safwan est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم qui était appuyé sur la mosquée. Il lui a dit, يا رسول الله, je suis venu te voir à la recherche de la science. Il lui a dit, tu es venu à la recherche de la science. مرحبا بطالب العلم. Que soit la bienvenue celui qui vient chercher la science. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yurahib bih. Thumma basharahu bi ba'di fadail al-ilm. Omar bin Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il était le califat à Médine, il a mis Nafi' radiallahu ta'ala en tant que calife pour les gens de Mecca. Un jour Nafi' a voyagé, il a donc mis un remplaçant qui est Ibn Abza. Ibn Abza. Omar al-Khattab, lorsqu'il a croisé Nafi', il lui a dit, « Men tarakta ala ahli al-wali, wadi, men wallayta alayhi. » Qui est-ce que tu as mis en gouverneur à ta place, en intérim? Il lui a dit, « J'ai mis Ibn Abza. » Omar al-Khattab lui a dit, « Wa man Ibn Abza ?» Et qui est Ibn Abza? Alors Nafi' a dit une chose très étonnante. Il lui a dit, « C'est un de nos anciens esclaves. » Omar al-Khattab s'est étonné. Il lui a dit, « Tu as mis un ancien esclave aux gens, en gouverneur aux gens de la vallée, yani les nobles de la Mecque. » Il lui a dit, Naam ya Amir al-Mu'minin, innahu qari'un li kitabillah, alimun bil fara'id. Oui, ô gouverneur des croyants. Mais Ibn Abza, hein, il est savant du Coran. Et il est à la science de l'héritage. قال عمر بن الخطاب اما ان قلت كذلك فاني سمعت نبيكم يقول ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين كما في الايه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. عمر بن الخطاب a répondu, alors j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, certes par ce livre, c'est-à-dire le Coran, Allah va élever certaines personnes et va en rabaisser d'autres. Et comme dans le hadith At-Tuhur Shatul Iman, Hadith Abi Malik, à la fin du hadith, wal Qur'an huddatun laka wa alik. Le Qur'an c'est une preuve pour toi ou c'est une preuve contre toi. Yaqul al-'allama Shams ibn 'Abbad hafidhahu Allah ta'ala wa rafa'a Allah darajatihi fi ad-dunya wal akhirah. Huddatun laka in 'amilta bih wa huddatun 'alayka in 'aradta 'anhu. C'est une preuve pour toi le Qur'an si tu le mets en pratique. Tu y crois et c'est une preuve contre toi si tu t'en détournes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Ça, c'est le hadith de Othman. Quand Othman a transmis ce hadith à un tabi'i, le tabi'i a appris le Coran et resté à la mosquée enseigner le Coran. Ce tabi'i-là a transmis ce hadith à quelqu'un et lui a enseigné le Coran. Cette personne qui a appris le Coran, a mémorisé le Coran, s'est assis à la mosquée, a enseigné le Coran jusqu'à sa mort. Est-ce que vous avez compris? Othman radiallahu anhu a pris ce hadith de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a entendu ça, il a mémorisé le Coran et a enseigné le Coran. Ceux qui ont mémorisé de Othman, quand ils ont entendu également ce hadith, ils ont mémorisé le Coran et enseigné le Coran. Et ainsi de suite. Ilm, amal, ilm, amal. Hada kana da'buhu. Al-ilm, thumma yutbi'un al-ilm bil-amal. Amma ilmun bila amal. قالوا كشجرة بلا ثمار كنحل بلا عسل وهذا لتقريب الفهم فإلا هو أشد من ذلك بل من سبب دخول النار والعياذ بالله. Pour conclure, certains se disent, moi j'aime la science et j'aime les gens de science, mais par moments il me manque de la motivation. Et par moments, je suis occupé. Comment faire pour être régulier dans talib ilm? Comment faire pour être régulier dans talib ilm? Premièrement, tu assistes à des conférences où on te démontre les bienfaits de la science. Quand, parce que quand tu vas connaître les mérites de la chose, tu vas avoir plus de motivation pour l'avoir. Deuxièmement, jalis ahlil khayri wal fadl. Tes fréquentations. Tes fréquentations. Celui qui aime l'argent, il reste avec les commerçants. Pour savoir comment avoir de l'argent. Ben, celui qui aime le ilm doit rester avec les gens qui aiment la science et qui sont pieux et de noble caractère. Troisièmement, tu veux le ilm, éloigne-toi des péchés. Parce que la science, c'est un honneur. Et Allah Azza wa Jalla n'honore pas les pécheurs. Allah n'honore pas les pécheurs, mais il les rabaisse de par leurs péchés. Quatrièmement, ad-du'a. Même si tu fais toutes les causes, ad-tawfiq biyadillah. Ad-tawfiq biyadillah. Cinquièmement, ad-tawbat wa al-istighfar. Parce que ad-tawbat wa al-istighfar, c'est une cause de risque. Et la science, ça rentre dans le risque. Ça rentre dans le risque, al-khas même. Et une des plus grandes causes qui va t'aider à être régulier dans l'étude de la religion, ma'rifatu ajri huduri majalis al-dhikr. C'est la connaissance des hadiths qui nous parlent des récompenses qu'Allah a réservées pour ceux qui s'asseyent comme vous, vous êtes là. Et j'ai aucun doute que si je demande à n'importe lequel d'entre nous, le plus savant, il ne pourra pas nous citer tous les mérites qu'il y a à être assis comme cela. La ashuk fi dhalik. J'ai aucun doute dans cela. Parce qu'on ne peut pas connaître l'étendue de Fazlullah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Man rada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khayran aw yu'allimahu fa huwa aw kana lahu ka ajri hajjin tam. Subhanallah. Rawahu at-Tabarani bi sanadin jayyid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui sort de chez lui pour aller à la mosquée, pour apprendre un bien ou enseigner un bien, il a la récompense d'un pèlerinage complet. Hein? Où sont ceux qui se plaignent? Ah, c'est cher maintenant, maintenant c'est devenu un commerce. Ah, là, voilà. Voici, tu veux la récompense du hajj, au khuruj ila al-masjid. Et réunis de l'argent et fais ton hajj quand même. Ça ne veut pas dire que tu viens, tu trouves l'ilm fil masjid, tu attends que le hajj. Parmi les mérites des assises de science, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme c'est venu dans le hadith de Anas, عند الترمذي وهو حسن لغيره: من خرج من بيته يريد العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Celui qui sort de chez lui à la recherche de la science, il est dans le sentier d'Allah jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Subhanallah. Et c'est dans ce genre de situation que celui qui habite loin est content. C'est le seul moment où il est content d'habiter loin de la mosquée, ainsi de suite. Tout le chemin que tu fais, t'es fils-à-bédille. Donc ne dis pas c'est trop loin et ceci là. C'est pas trop loin pour Allah Azza wa Jal. Tout ce que tu fais pour Allah, c'est pas trop loin. Tout ce que tu fais pour entrer fil Jannah, c'est pas trop. Tant que c'est en conformité avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith azim. Un hadith azim, si les gens de science n'avaient pas dit qu'il est sahih, on aurait eu des doutes sur ce hadith. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة أقواما في وجوههم النور. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: certes Allah va ressusciter des gens le jour de la résurrection, ils auront le visage illuminé. Ils auront le visage illuminé. Dans l'autre version du hadith, ceux qui les regarderont seront éblouis. Pourquoi? Parce que la lumière sera tellement étincelante et grande qu'on n'arrivera pas à les regarder. Comme lorsque tu regardes le soleil, tu as du mal à le regarder, à le fixer. Ben ça, ça sera le visage de qui? Continuons le hadith. Ala wujuhim an-nur, ala manabir min lu'lu. Subhanallah. Leurs visages seront illuminés. Et ils sont ressuscités assis sur des chairs, des trônes faits de perles précieuses. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Même les moulouks n'ont pas ça. Yani, une chair, yani, comment on dit ça en français? Comme un trône, hein, fait de perles précieuses. Yom al-qiyama, c'est yom al-tarabou, c'est yom al-hisab, c'est yom al-khawf. C'est le jour où tout le monde aura peur. Et eux seront comment? Sur des trônes, hein, de perles précieuses. Le visage illuminé. Celui qui essayera de les regarder sera ébloui de par la lumière de leur visage. Yarbituhumun nas, les gens seront jaloux d'eux ou bien les environs. Les gens se diront, mais qui sont-ils? J'aurais aimé être à sa place. J'aurais aimé être à sa place. Fi riwayatin ukhra yarbituhumul anbiya'u wash-shuhada. Subhanallah. Les prophètes et les martyrs auraient aimé être à leur place. Dans une autre version, laysu bil anbiya wa la shuhada. Ce ne sont ni des prophètes ni des martyrs. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Parce que quand tu entends cette description, tu dis, ah, c'est pas pour nous ça. Et Anissa, ça doit être les prophètes. On te dit, laysu bil anbiya. Alors tu dis, ça doit être les martyrs. Laysu bil shuhada. Et là tu dis, subhanallah, peut-être que je peux rentrer dedans alors. Peut-être que je peux rentrer dedans. Fadlullah azim ya akhi. Fadlullah azim ya akhi. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous avez entendu ce hadith, vous? Quel effet ça vous a fait? On n'a pas fini le hadith, mais quel effet ça vous fait? Chaque personne sait ce que ça lui a fait. Je vais vous dire ce que ça a fait à un bédouin qui a entendu ce hadith. Fajatha arabiyun ala rukbatay. Il y a un bédouin, quand il a entendu ça, il est tombé à genoux. Il est tombé à genoux. Ses jambes ne pouvaient plus le supporter, il est tombé à genoux. Ya Rasulallah, sifhum lana. Il lui a dit, ya Rasulallah, décris-les-nous. La'allana nuhibbu. Afin qu'on les aime. Et dans l'autre version, afin qu'on les connaisse. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, humul mutahabbuna. Humul mutahabbuna fillah. Ce sont ceux qui se sont aimés pour Allah. انظر العمل. المحبة في الله. من أعظم المنازل في الدنيا والآخرة. بل أوثق عرى الإيمان كما جاء في حديث ابن عباس. هم المتحابون في الله من قبائل الشتان. Dans l'autre version, nous dit القبائل. Ce sont des gens qui se sont aimés pour Allah alors qu'ils ne viennent pas de la même tribu et n'ont pas la même origine. Lui c'est un Algérien, lui c'est un Marocain, lui c'est un Français, lui et ainsi de suite. Mais leur différence de couleur, leur différence de langue, leur différence de pays ne les a pas divisés, au contraire ça les a réunis parce qu'ils ont dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est de ces gens-là que parle ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui ont aimé leurs frères ne les aimant que pour Allah. Humul mutahabbuna fillah min qabail shatta wa bilad shatta. Et الشاهد يجتمعون على ذكر الله ويذكرونه. Ils se réunissent sur le rappel d'Allah et invoquent Allah. Donc ce dans quoi vous êtes en ce moment, c'est la cause pour être ressuscité comme cela. C'est la cause pour être ressuscité comme cela. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min al-mutahabbin fi Allah. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المخلصين في طالب العلم وأن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا أنسى أن أشكر أخي الكبير وفقه الله والمسؤولين من المسجد ومن تعاون في هذا الخير et j'oublie pas بإذن الله سبحانه وتعالى de remercier mon cher frère, mon cher grand frère qui m'a invité et les responsables de la mosquée qui ont accepté ma venue et tous ceux qui se sont déplacés afin de profiter de ce rappel et on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il mette la baraka dans cette mosquée et dans les familles de tous ceux qui ont fait du khair pour cette mosquée والحمد لله الذي بيتتم الصالحات